devenir peut-être un favori pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Belet. Un coureur, Patrick! Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick! Sur notre gauche! Un coureur est tombé! Un coureur est tombé! Il s'agit d'un coureur! Attendez, je vais regarder descendre de ma moto! Zoula, peut-être! Je vais attendre! Je regarde bien Alex Zoula! Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le cadre de nos pastilles thématiques d'intersaison. Donc, nous poursuivons notre passage en revue des équipes françaises avec aujourd'hui un zoom sur la Cofidis. Cofidis qui, cette année, en 2020, a obtenu une licence World Tour. Voilà, c'est la troisième équipe française à rejoindre le World Tour. C'est quand même un grand défi pour cette équipe. Alors, à savoir si la marche ne sera pas trop haute pour elle ou si, en fait, il était temps d'y être. Je ne sais pas quelle est ton impression là-dessus. Par exemple, Charles, on sait que l'équipe a quand même pas mal recruté. Elle affiche ses ambitions. Voilà. Est-ce que tu penses, toi, personnellement, que cette équipe, maintenant, est armée pour le World Tour ? C'est pas facile de répondre à cette question. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est vrai qu'on va avoir pas mal de choses à dire sur la Cofidis. Je pense que pour les sprints et les classiques, on devrait avoir quelque chose d'intéressant avec l'apport d'Elia Viviani, qui est quand même un des meilleurs coureurs mondiaux. Mais j'ai peur que sur les grands tours, ça reste quand même très très léger, parce qu'au final, à part Guillaume Martin, je pense qu'on n'a personne qui est capable de vraiment briller ou de faire un top 10 sur une grande course par étape. Donc j'ai envie de dire oui d'un côté, mais non de l'autre. Je pense que sur certaines courses, à l'image de la FDJ il y a quelques années, la marche risque d'être très très haute. Oui, alors, excuse-moi, c'est vrai que je suis allé un peu vite dans la présentation de l'équipe et du coup... Elia Viviani lors d'un sprint. J'ai oublié de présenter l'équipe qui était, elle, autour de moi pour cette émission. Donc, comme vous l'avez compris, il y a bien Charles, il y a également Grégory. Salut tout le monde. Et Greg. Salut. Et enfin Benjamin. Voilà, autant pour moi, cher commissaire. C'est vrai que j'ai voulu foncer tel un sprinter qui apercevait la ligne d'arrivée. Et par notre leader. Voilà. J'en ai oublié les fondamentaux. Encore autant pour moi. Oui, c'est vrai que la question n'est peut-être d'emblée pas comme ça très, très, très facile à répondre. Est-ce que c'est aussi ton impression, Greg? Il y a évidemment la recrue qui va tout changer. Ça, c'est Elia Viviani, notamment, hein, pour les sprints. Au niveau des victoires, c'est surtout lui qu'on suivra, qui est un peu la recrue star. Il y a aussi Guillaume Martin pour les généraux, mais ça, on en parlera tout après. Et c'est vrai que tout va se passer autour de lui. Il y a quand même un recrutement solide. Hein, on va les énumérer tout à l'heure, mais Viviani ne vient pas tout seul. Il aura quand même de quoi des équipiers avec lui qui pourront l'amener. Et donc, ce qui me fait dire que c'est quand même quelque chose de sérieux, de réfléchi, qu'on ne prend pas seulement Viviani pour son nom, pour son palmarès, pour sa capacité. On lui y vient avec un train qui pourra l'amener sur les sprints. Et donc, c'est quand même que pas rien. On ne prend pas juste un nom pour faire des paillettes dans les yeux. Oui, alors moi, la question que j'ai envie de poser quand même pour mettre un petit pavé dans la mare par rapport à tout ça, c'est que je vais la poser à toi, Benjamin, est-ce que tu n'as pas peur aussi que quelqu'un qui vient de la Quick Step ne performe peut-être pas autant que dans cette équipe belge, où on sait que d'habitude, après la Quick Step, certains coureurs ont un peu de mal à trouver leur marque? Alors, c'est vrai que ça arrive souvent. Alors, certains disent c'est parce qu'il se passe des choses. Mais on ne va pas rentrer dans la théorie du complot ou quoi que ce soit. ce qui se passe également, c'est que souvent, comme l'a dit Greg, on recrute le nom du coureur qui performe et c'est tout. Le problème, c'est que la De Koenig, quoi qu'on dise dessus, c'est une équipe où le collectif est super bien huilé. Les sprinteurs qui marchent ont un trait magnifique. Des coureurs qui pourraient être leaders, et c'est un peu le cas de la Team Ineos également, peuvent tout à fait se muer en coéquipier. C'est des choses qu'on n'arrive pas forcément à voir dans certaines équipes. Et là, là où la Cofidis a été intelligente, c'est de recruter avec Elia Viviani, Fabio Sabatini. Fabio Sabatini, c'est le lanceur d'Elia Viviani. Mais en plus de Fabio Sabatini, ils sont allés chercher un coureur comme Julien Vermont, qui a été chez Quick-Step pendant 3 ans et qui avait un rôle également pour ce sprinter. Donc, c'est très bien. On est allé chercher des poissons pilotes, des consonnies, des trucs comme ça. Il y a Adipo également, le frère d'Elia Viviani qui vient... Oui. C'est vrai qu'avec avec Consoni, on l'avait vu notamment sur le championnat d'Europe, il semblait déjà avoir une forme de complicité hein, entre Viviani et Consoni, qui n'a pas hésité à se mettre à la planche pour lui, tout en restant d'ailleurs compétitif jusqu'à la fin de la course. Hein, parce que je crois qu'il a quand même signé un top 10 ensuite, malgré tout. Donc il y a un collectif, on va dire, plutôt rassurant autour du sprinter italien. C'est peut-être d'ailleurs ce qui avait manqué finalement à Buani ces dernières années. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grégory. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai qu'avec l'affaire Nasser Buani ces dernières saisons, malheureusement, on a pu sentir assez rapidement qu'il y avait des tensions dans l'équipe, qu'il n'y avait pas forcément un collectif particulièrement au service du coureur, malgré tout ce qui se disait aux arrivées des courses. C'était pas forcément aussi rose que ça, que ce soit entre les coureurs ou même avec le staff, c'était pas extraordinaire. Après pour l'année prochaine, ce que je vois avec l'arrivée du grand leader du sprint mondial, on va dire, Elia Viviani, il va y avoir des choses à revoir chez Cofidis, du coup, avec l'évolution notamment de Christophe Laporte, qui était devenu presque par défaut, on va dire, le leader de l'équipe du sprint, quoi. Tout à fait. Oui, Charles ? Ouais, justement, je pense à Christophe Laporte quand Greg l'évoquait, et je pense que lui aussi il va vachement bénéficier de ses arrivées, dans le sens où Christophe Laporte, il était un petit peu seul, on sentait que le train Cofidis il n'était pas toujours en place, et là sur les quelques épreuves où il travaillera pour Elia Viviani, ou enfin on verra peut-être sur d'autres Fabio Sabatini qui l'aidera, je pense qu'en termes de placement, en termes de sprint, etc., il va prendre de l'expérience et ça va forcément lui être très utile. Hein. Idem sur les classiques où on a aussi quelques renforts. Enfin, je pense que ça peut faire grandir, entre guillemets, certains coureurs de l'effectif actuel, ses arrivées, dont Christophe Laporte. Et puis peut-être aussi lui faire retomber un peu de pression, parce que finalement, comme vous l'avez dit, Laporte au départ n'était pas prévu pour être le sprinter numéro 1 de l'équipe. Par défaut, il s'est retrouvé à l'être. C'était peut-être pas un rôle forcément qui lui convenait ou qu'il était à l'aise. Il y a un autre jeune, hein, enfin Benjamin en parlera peut-être, je crois qu'il suit pas mal, c'est Damien Touzé, et lui aussi je pense qu'en termes d'expérience ça va être génial pour lui, enfin ses arrivées quand même. Mais il faut pas oublier également que c'est plus la Cofidis qui est en Continental Pro. Ça veut dire que par exemple sur Paris-Nice-Tirreno, je ne sais pas où ira Viviani. On va dire qu'il est italien, donc peut-être sur Tirreno, mais sur Paris-Nice, Christophe Laporte va rester le sprinter. Il aura moins de pression parce que c'est plus lui la vedette. Est-ce que seulement ça a été lui un jour, je ne sais pas, mais c'est sur lui qu'on comptait pour les résultats. On va être focalisé sur Viviani, mais il va garder quand même une véritable importance. Ça, c'est super parce qu'il est quand même encore assez jeune, Christophe Laporte, il a 26 ans. Mais il va continuer à avoir un rôle avec des grosses responsabilités, mais il va être, on va plus être focalisé sur lui. C'est bien. D'ailleurs, je change un petit peu de sujet. On voit qu'il y a nombreux noms qui peuvent faire des résultats, nombreuses nationalités. On pourrait se dire que ça risque de ne pas marcher, mais au final, c'est dans l'ADN de la Cofidis de recruter un peu à droite et à gauche niveau nationalité. Ils ont toujours fait ça. Et contrairement à d'autres équipes, je pense qu'on peut clairement dire cette fois-ci, sur cette équipe, qu'il va y avoir des déceptions, des flops, mais il va également y avoir des tops. Et l'un dans l'autre, ça devrait marcher. Mais c'est une équipe qui, souvent, a pas mal de ratés. Greg, est-ce que tu partages finalement un peu ce sentiment de confiance, finalement, hein, qui est un peu partagé par l'ensemble des commissaires ici? Oui, il y a aussi, pour continuer, on a parlé donc des sprints. On a dit un mot sur les classiques aussi. Il y a Pita Legaard, qui bon, est un coureur de 24 ans, qui fait des choses. Et puis aussi, une autre curiosité, c'est Guillaume Martin. Qu'on attend, alors qu'on n'est pas le calendrier, mais on peut supposer que pour le Giro, ce sera plutôt pour Viviani, donc il sera sur le Tour de France. Et c'est aussi un coureur qu'on attend, qui a quand même fait beaucoup de bien à l'Avanti et a été un des principaux arguments pour l'Avanti pour être sur le Tour. Et donc c'est aussi un grimpeur avec un style, je crois, Benjamin est assez fan, c'est vrai, il a un style assez élégant sur le vélo. C'est l'air. Voilà, donc ça fait aussi plaisir de voir ça, et c'est aussi un coureur à suivre, et voir finalement Cofidis jouer peut-être encore placé au général sur le tour, ça fait aussi assez longtemps. Souvent, voilà, hein, au général, il n'avait pas vraiment d'ambition, tandis que là, ils auront, voilà, le visage change, comme l'a dit Benjamin, on est sur du World Tour, et donc il y aura peut-être un peu plus d'ambition, et ça aussi, c'est une curiosité à suivre pour cette année. Ça va faire du bien l'arrivée de Guillaume Martin aussi à Reusserada. Pareil okay. Que Christophe Laporte, il ne va plus être le seul à porter l'équipe dans son domaine. Ça, clairement. Alors, c'était un peu la question que je voulais vous poser, justement, parce que c'est vrai que, on va dire, lorsqu'on arrive sur des profils où ça grimpe un peu, bon, la Cofidis, l'année dernière, pouvait compter que pratiquement sur Errada. Alors, est-ce que trois grands tours, ça ne risque pas d'être un peu trop pour une équipe comme ça? Je ne sais pas si. Voilà, est-ce que tu partages cette interrogation, Charles? Oui et non, parce qu'après ça dépend des objectifs. C'est sûr que trois grands tours pour le général, c'est mort. Hein. Guillaume Martin, je pense que ça sera Tour de France, ne serait-ce que par rapport aux sponsors. Et puis basta, mais on peut imaginer voir des Viviani ou des Laporte, etc., aller sur le Giro et la Vuelta. Mais pour en revenir à la stratégie de Cofidis, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est pas court-termiste en fait. Là, c'est que la première étage de la fusée, entre guillemets, on peut s'attendre à ce que Cédric Vasseur soit aussi actif au prochain mercato et qu'il continue à construire un effectif qui soit crédible, entre guillemets, si, même si le mot est pas forcément facile à évoquer. Mais tu as par exemple, je pense à un Nathan Haas. Ça fait pas de bruit, mais sur un tour d'un under, au lieu de juste avoir Viviani, si Viviani se plante, t'as un As qui peut faire un top 5 ou un top 10 au général. Pareil sur la Cadel Evans Wise, etc. Enfin, c'est des coureurs bien sentis, je trouve, qui rapportent de la densité à un effectif. Et pour moi, c'est bien vu. Enfin, comme le disait Benjamin, il y a une cohérence enfin, dans le recrutement. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé encore de l'Australien, mais c'est un coureur qui est un peu énigmatique, mais qui a l'habitude, on va dire, de cocher ses courses. Hein. On le retrouve souvent à l'aise sur le même course d'une saison à l'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui peut rapporter des top 10 et une visibilité sur des courses d'un jour, même en World Tour. Est-ce que c'est aussi ton sentiment, Grégory? Oui, tout à fait. Bon, après, là, il est sorti d'une saison un peu plus compliquée qu'à l'habitude, mais c'est vrai que Nathan Haas, bah, déjà, on a l'habitude de le voir démarrer tambour battant dès l'Australie, donc c'est assez pratique niveau visibilité. Il arrive justement à bien se montrer et bien enchaîner généralement avec tout ce qui était course. Course au Moyen-Orient d'ouverture de saison, pareil, on le voyait faire un gros cycle de démarrage de saison. Et il arrive aussi à être efficace parfois sur quelques courses escarpées et profite d'une pointe de vitesse tout à fait convenable pour éventuellement jouer la gagne dans des groupes plus réduits. Oui, c'est quelqu'un qui aime bien aussi les Canadiennes, par exemple. Et c'est vrai que ça peut permettre à l'équipe de se mettre très rapidement en confiance. Hein, on sait qu'elle a un programme, en tout cas de début de saison, assez chargé. On va les voir bah, forcément sur le Tour d'un Under, hein, puisque maintenant elle est World Tour, mais aussi sur la Tropicale à Missabongo. Donc une équipe qui devrait rapidement, normalement, trouver ses marques. Voilà, je ne sais pas si on pourra tirer après des enseignements à partir de ces courses-là, mais ça devrait lui permettre en tout cas de se mettre rapidement en évidence. Je ne sais pas si tu partages aussi cette impression, Greg. Oui, c'est ça. C'est, voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment un nouveau Cofidis. Il ne faut plus regarder les années précédentes. Le recrutement, on l'a dit, pour l'instant, on peut être optimiste. Il y a vraiment de grands changements. Et voilà, je pense que ça serait très intéressant à suivre parce que bah, une nouvelle équipe française, enfin, peut-être qu'on en fera une émission dessus. On parle d'un World Tour à deux vitesses. Beaucoup d'équipes ont du mal. Et voir une équipe française passer World Tour, une équipe qui est présente depuis plusieurs années, un sponsor assez solide, avec un recrutement cohérent, ben ça va être assez intéressant à suivre. Oui, parce que je disais tout à l'heure effectivement que trois grands tours, c'était peut-être trop pour la Cofidis, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a peu d'équipes World Tour qui peuvent se permettre de jouer à chaque fois quelque chose sur les trois grands tours. Viviani, ça suffit. Je veux dire, une victoire d'étape sur un grand tour et tu diras que ton tour est réussi. De toute façon, voilà, sur le Giro, ça va être quasiment tout pour Viviani. On va avoir probablement les Italiens qui vont y aller. Probablement un ou deux coureurs vont peut-être faire un coup dès que ça monte un peu. On n'a par exemple pas encore parlé de la recrue, le jeune espagnol Fernando Barcelo. Qui a montré de belles choses en fin de saison l'année dernière. Tout à fait. Il y a un Jesper Hansen qui n'a pas fait une bonne saison, mais on sait toujours que le changement d'une équipe, la première saison peut être parfois compliquée. Tu peux le mettre sur un Giro, parce que le Giro, au final, hormis Viviani, si on réfléchit aux intérêts commerciaux de la Cofidis, c'est probablement le grand tour où ils sont le plus libre. Le plus libre. Tu mets Viviani, normalement, ça doit faire au moins une victoire. Oui. Et après, ça laisse énormément de liberté. Ça va permettre également de découvrir des coureurs plus jeunes, des Mathias Couturnier, peut-être par exemple. Peut-être Victor Laffey qui a une saison très compliquée avec beaucoup de blessures, il s'est fait opérer. Tout ça, ça va permettre de gagner. Non, c'est vraiment intéressant. Et en fait, quand on en parle avec cette recrue Viviani, cette recrue star, c'est vraiment une star Viviani. L'équipe a réussi déjà de passer d'une stature continentale pro très forte, hein, dans le top du, à une équipe World Tour. Je vois cet effectif. Il y a des choses à dire, mais c'est une World Tour. Il y a des coureurs pour marquer dans les Dexamond, Jesús Herrada, Guillaume Martin. Et il y a une star au sprint. Et il y a Viviani avec d'autres coureurs qui peuvent marquer, comme par exemple Christophe Laporte et des jeunes talentueux comme Fernando Barcelo, etc. Oui. Non, vraiment, c'est plaisant. Ou même un Consoni, hein, qu'on a vu souvent faire le poisson pilote chez UAE pour Gaviria. Mais on sait aussi que lorsqu'il peut sprinter de son côté, il arrive à faire des placettes. L'autre question, du coup, par rapport à ça, c'est d'accord pour les arrivées. Mais les départs, ceux de Julien Simon, par exemple, on a évoqué celui de Nasser Bouhanni, mais ou également celui de Hofstetter, est-ce que finalement, pour vous, ça ne va pas trop peser sur l'équipe? Pour vous, c'est très bien, ça, c'est plutôt compensé. Donc, c'est des coureurs Coupe de France, en fait, typé victoire sur Coupe de France, plutôt. Mm-hmm. Donc, oui. C'est quand même un autre niveau, comme l'a dit Benjamin. Viviani, c'est niveau World Tour largement. Enfin, je ne sais pas, après, par exemple, Grégory, ce qu'il va en penser. Hofstetter, il y avait le potentiel peut-être pour être un coureur World Tour. D'ailleurs, il est parti chez Israel Cycling Academy, qui passe World Tour en ayant fusionné avec Katusha. Mais après, comme le dit très justement Greg, Julien Simon, c'est l'archétype du coureur Coupe de France. Et Nasser Bouhanni, c'est tout ce qui s'est passé. Il y a peut-être quelque chose sur Darwin Atapuma à dire, mais il n'a jamais réussi à percer véritablement. Darwin Atapuma, non, cette année, on ne l'a pas vu ou presque. Il a, déjà, en début de saison, on a bien vu qu'il avait pris un peu dans le bon point. Il a eu beaucoup de mal à être performant. Il s'est blessé aussi. Et finalement, il va partir en Continental Pro dans une équipe hongroise. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu Hofstetter qui aurait peut-être pu s'épanouir un petit peu malgré l'arrivée de Delia Viviani qui l'aurait fait reculer un peu dans la hiérarchie de l'équipe. Mais il y avait quand même de quoi progresser encore. Après finalement, il se retrouvera en World Tour malgré tout. Donc on espère qu'il va réussir. Mais d'un point de vue général, au niveau des départs de l'équipe, je pense pas vraiment que ça affecte que ça affecte l'effectif 2020, quoi. Pour moi, les départs ne changeront rien aux performances futures de l'équipe. Elle s'est largement renforcée par rapport à ce qu'elle perd, quoi. Oui, puis elle a étendu, on va dire, son panel de quoi s'exprimer à peu près sur presque tous les terrains, finalement. Bon, peut-être pour les classiques pavés, ça risque d'être un peu plus difficile, mais bon, on a déjà vu un Laporte assez velléitaire quand même sur ce type de terrain. Viviani, justement, lui, a envie de découvrir certaines de ses courses. Je crois il a annoncé sa participation sur le Tour des Flandres, après sans forcément de grandes ambitions. Voilà, vous, j'ai envie de, voilà, encore une fois, un peu en guise de conclusion, puisque l'émission touche presque à sa fin, finalement, j'ai envie de vous demander comment, si on doit se projeter sur 2020, comment vous voyez la Cofidis. Charles, tu penses qu'elle va réussir ce passage donc vers le World Tour? Ah oui. Enfin, après, ça dépend ce qu'on entend par passage réussi, mais dans les secteurs où elle s'est renforcée, en tout cas, moi, je la vois très costaud. Enfin, je vais être un peu optimiste, hein, mais je pense qu'il y aura entre 30 et 40 succès l'an prochain. Quand on voit qu'il y en a une vingtaine cette année, alors que finalement, Bouhanni n'a pas C'est énorme, gagné c'est beaucoup. et qu'Hofstetter n'a pas non plus beaucoup gagné, il me semble, surtout sur la deuxième partie de saison où il était un peu transparent. Je pense qu'un mec comme Viviani, si ça marche, ça peut faire 10-15 succès. Un Laporte un peu plus en confiance, ça doit gagner un peu plus aussi. Guillaume Martin peut gagner aussi quelques épreuves, Contsoni également. Donc je vois entre 30 et 40 victoires l'an prochain chez Cofidis, quoi. Comment dire, bien que le calendrier risque d'être un peu plus relevé aussi, hein, attention, la Cofidis Oui, sera peut-être mais. plus aussi les mêmes courses que l'année dernière également. Ah oui, bien sûr, mais quand on a affaire à Viviani, on a affaire quasiment au meilleur sprinter du monde avec Groenewegen. Donc, enfin, à partir de là, Viviani, il va faire le tour d'un under, World Tour ou pas, ça change rien pour lui. Il va aller sur le tour, c'est pareil. Le Giro, c'est la même chose. Donc, c'est pas quelqu'un qui a à franchir un palier ou qui a à prouver quoi que ce soit sur les plus grandes courses du monde. Donc, enfin, L'autre chose aussi, Après, là où Charles a raison, c'est que si on table sur une très bonne saison de Viviani et de Laporte, on monte déjà à 20 victoires. Ouais. Alors, autre chose aussi qui est positive pour l'équipe, c'est que Viviani est un coureur qui, en général, court beaucoup. Il dispute pas mal de jours de course sur l'ensemble d'une saison Oui, puis en forme du début à avec la fin de Christophe. saison, Viviani, quoi, c'est ça Voilà. qui est. Il a toujours faim. Là, d'ailleurs, actuellement, il est encore sur la piste et il continue aussi à ramener quelques bouquets. Voilà, c'est un coureur qui se donne, en général. Puis il faudra Mais. aussi penser, je pense, je finis juste là-dessus, c'est que Cofidis a renforcé son effectif. Donc sera aussi plus forte sur les épreuves françaises. Ça, c'est aussi un point à prendre en compte, pardon, au niveau des victoires, parce qu'ils gagneront forcément plus sur des épreuves de classe 1 disputées sur le territoire national qu'avant, quoi. Je prends la place de Max un Je t'en instant prie. pour vous poser une question. On sait, là, on a appris que la Cofidis bon, serait sur le Tour Down Under, bon, c'est bon, tour normal, mais serait également sur la Tropicale Amissa Bongo. On sait également que Arkéa va être autour de San Luis, autour de Colombie, etc. Est-ce que avec cette course au point également, la volonté de faire courir un peu tout le monde, de démarrer dans des conditions au soleil, on va dire, est-ce que ça ne va pas être plus compliqué pour les équipes qui sont parfois limites du World Tour, avec des équipes, vous voyez, qui montent comme Arkéa, de marquer assez de points pour être dans le top 20? Vous savez, ce top 20 qu'on a tant observé, cette place en Conti Pro également, est-ce que ça va pas être encore plus compliqué que les précédentes années, et est-ce qu'on va pas revenir à une situation un peu comme avec l'ancien classement UCI, celui qui a disparu pour le World Tour, où les équipiers devaient marquer également des points. Et point positif à cela, on ne va pas avoir des équipes plus fatiguées au fur et à mesure de la saison pour avoir plus de différence. Ah, ça que c'est une Wow, bonne question là, on dirait. Je vous laisse 3 heures. 10 heures de philo là. Vous Ah, laisse 3 heures. c'est vrai que c'est pas évident hein, de savoir si Ah ben, si je fais des effectivement les devoirs choses. pour enfin à deux vitesses, ça, enfin on y va tout droit quand même. C'est-à-dire qu'il Mais y a par une. exemple, une Tropical Amissa Bongo, Cofidis va y aller, mais ils vont pas y aller avec leur équipe D. Ils vont y aller avec au moins un coureur qui peut gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça Oui, donne oui. direct, on va dans le truc. Donc, ils vont prendre des points à des Conti Pro qui étaient peut-être allés sur la Tropical Nissan Bongo, justement, pour avoir des victoires sans trop de concurrence. Salut Et encore l'an Delco. dernier, on se rappelle qu'on a sur la première émission, on avait fait Vital contre Fortuneo contre Direct Energy, avec leur sprinter qui s'était affronté sur la course africaine avant de se raffronter ensuite en Europe. De niveau. Après, on va peut-être envoyer les jeunes pour les tester un peu ça Ouais, aussi. mais moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un Consoni par exemple. Bah, Consonnier qui passe bien les bosses en plus sur la Tropical Amissa Bongo, si tout se passe bien pour lui, il peut aller chercher même carrément le général, tout simplement. Oui, alors c'est vrai que cette course au point peut encore changer la donne. À voir ce que ça va donner sur la fin de saison. En plus, comme je vous dis, je pense que Cofidis pourrait être une des équipes gagnantes là-dessus parce que voilà, elle possède avec Viviani un coureur endurant qui court tout au long de l'année. Voilà. Après, il faut aussi avoir de la chance, hein, éviter les blessures, des choses comme ça. Parce que si il se retrouve avec un Viviani qui est obligé de couper sa saison à cause d'une blessure, ça changera beaucoup les choses. Une dernière question. Est-ce que le recrutement de Cofidis est terminé? Non. Ah, c'est ça, parce Non, qu'ils sont 28. non. L'effectif 2020, enfin, sauf si je dis une énorme bêtise, mais je crois que l'effectif 2020 n'a pas été validé à 100%. Donc il n'est pas encore officiellement bouclé. Voilà. Et puis il y a encore peut-être des petits coups à faire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut là arriver à la fin de notre émission et conclure. Je pense, je vais vous laisser chacun, voilà, laisser un petit mot et dire ce que vous attendez, ce que vous pensez voir en 2020 pour cette équipe. Charles? Ah oui, moi, comme je disais tout à l'heure, entre 30 et 40 victoires, je suis assez optimiste aujourd'hui. Une bonne saison, une saison réussie. Donc. Grégory? Moi, je vois aussi une saison réussie et en fait tout au long de la saison, en fait, pas juste à droite, à gauche, mais une saison pleine de la Cofidis. Par exemple, les voir gagner même sur les 3 grands tours? Pas forcément les voir gagner sur les 3 grands tours, mais en tout cas les voir exister et peser sur les courses tout au long de la saison. Benjamin, tu partages cette impression? Ouais, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Cofidis, c'est une équipe où il y a souvent des déceptions également. Donc je pense qu'elle fera une saison, après je sais pas ce qu'on peut appeler réussie, mais elle se maintient. Enfin, on pourra dire à la fin de la saison que c'est une équipe World Tour qui n'a pas de soucis. Oui, Il va y avoir qu'elle avait le niveau, quoi. des coureurs qui vont être laissés de côté, je pense. Je n'ai pas forcément de nom, mais je pense qu'il y a des coureurs qui. Enfin, ça sera sans pitié, quoi. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 de cette année qui partiront comme ça. Si je devais attendre quelque chose, la confirmation que Guillaume Martin peut être un leader d'une équipe World Tour. Ça, c'est vraiment ce que j'attends de voir. Et en révélation, Fernando Barcelo. Et j'espère que Victor Laffey va pouvoir montrer, sans parler d'un grand grimpeur français, qu'il a sa place, au moins pour des épreuves Europe Tour, en tant que grimpeur. Très bien. Et Greg? Ouais, ben, je suis assez d'accord, hein. On l'a dit dans cette émission, complètement incohérent. Ils seront présents, ils sont pour une World Tour, ils sont quand même bien plus solides que d'autres équipes. Et comme ça parle de coureurs à suivre, voilà, moi je suivrais bien Damien Touzet, je suis assez curieux de savoir dans une équipe avec peut-être un peu plus d'ambition ce qu'il va donner. C'est parti des jeunes coureurs, il a 23 ans, ben, des jeunes coureurs français à suivre et qu'on verra peut-être un petit peu plus cette année. J'espère qu'il ne va pas être cantonné à être dans le train d'Elia Vivier. J'espère aussi. Bah c'est vrai que lorsqu'on regarde la composition de l'équipe, on va dire par rapport à, je ne sais pas, une CCC par exemple, elle n'a pas spécialement à rougir, du moins sur le papier. Et Max, c'est une équipe qui a 4 Italiens. Donc, ton avis, pas forcément sur les quatre italiens, sur l'équipe en général, toi aussi. Je partage votre sentiment, hein. Je trouve que le recrutement a été solide, plutôt intelligent. Comme vous avez dit, Viviani n'y a pas tout seul, il est bien entouré. Tout est fait pour le mettre en confiance. Donc voilà. J'attends un peu aussi quelque chose de Consoni, hein, qui est rapide, mais qui n'a pas encore claqué de victoire, il me semble, chez les pros. Voilà. Et puis, pour l'année prochaine, j'attends aussi la confirmation de quelqu'un qui est quand même assez agréable à regarder en course. Voilà, le jeune Cenefroid. J'espère, comme vous, voilà, qui passera. Qui? Cosnefroid, il faut prononcer Il est AG2R. AG2R. Oh, l'alcool, ça y est, c'est parti. Excusez-moi, je mélange tout. Je mélange tout. Non, non, je ne voulais pas parler de. Oh, Je voulais pas dire Cosnefroid, je voulais dire comme vous, Guillaume Martin. J'ai tout mélangé. Parce que voilà, c'est lui, pas grave. il est agréable à regarder. Il a ce. Je pense à lui, j'ai dit Cosnefroid, alors je pensais à Guillaume Martin. Il a ce style un peu Pantanesque, pantanesque. ouais. Voilà, il est élégant sur un vélo. Il a claqué une belle victoire là sur le Tour de Sicile l'année dernière. Pour l'instant, il a encore du mal à confirmer sur les grandes courses, mais j'aimerais bien le voir passer un peu à l'échelon supérieur sur le Tour de France, par exemple, ou voire sur des courses World Tour d'une semaine où il pourrait un peu se mettre en évidence. Hein, on l'a déjà vu sur le Dauphiné, il avait fait un beau Dauphiné aussi l'année dernière. Voilà, donc j'espère que ce sera aussi la confirmation pour lui, surtout dans une équipe française. Mais pour Voilà. finir sur Martin, moi j'attends de voir aussi si Cofidis arrive à lui faire franchir un petit cap sur les chronos, parce qu'on s'est quand même aperçu que Oui, c'était ouais, extrêmement c'est handicapant très pour très lui. dur, Ouais, c'est vrai que ouais. c'est le Mais gros point faible. il gagne ne serait-ce que 3 places, 3 ou 4 places sur les classements généraux qu'il a fait l'an dernier. Exactement. C'est très très très très costaud. Voilà, donc c'est ce que j'attends. Désolé encore, j'ai C'est dit pas grave. que le froid alors que je pensais à Martin. Voilà, bien, écoutez, désolé encore pour cette petite erreur, mais sinon je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question et on souhaite le meilleur à cette équipe pour l'année 2020, en espérant voilà que le saut en World Tour sera réussi. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et on se retrouve donc très bientôt pour la suite de nos émissions thématiques où on poursuivra hein, le passage en revue des équipes françaises et encore d'autres thèmes qui seront abordés comme celui des paris pour 2020 notamment et un petit passage en revue des néo-pros. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Salut. Au Salut. revoir.